Mon âme en feu, Seigneur, mets mon âme en feu, pour l'amour de Jésus, mets mon âme en feu, en feu, mets mon âme en feu, Seigneur, mets mon âme en feu, pour l'amour de Jésus, mets mon âme en feu, mets l'église en feu, mon Dieu, mets l'église en feu, pour l'amour de Jésus, mets l'église en feu, mets l'église en feu. Mets l'église en feu, par l'amour de Jésus, mets l'église en feu, mets mon frère en feu, oh, mets mon frère en feu, mon Dieu, par l'amour de Jésus, mets mon frère en feu, son frère, mets mon frère en feu, mets mon frère en feu, adieu, par l'amour de Jésus, mets mon frère en feu, mets ma sœur en feu, mon Dieu, mets ma sœur. Nous pour nous-mêmes. Pour aucun motif égoïste. Pour aucune mission politique. Pour aucune mission financière. Mais nous venons pour le royaume de Dieu. Qu'il vienne avec le feu divin. Pour consumer l'idolatrie. Pour consumer les iniquités. Pour consumer toute incrédulité. Les appels au secours, les expressions sincères du cœur, l'auteur de la foi, si nous croyons c'est par la foi que nous allons aller, et si je suis la foi et je la mets à la bataille, tu es celui qui la protège, tu es celui qui élève son niveau, tu es la porte et l'esprit, oh merci Jésus, c'est que tu es vivant. Nous pouvons ressentir ta présence. Réclamer le feu divin. Recevoir le feu divin. Là-haut dedans de l'âme. Changer tout notre système. Bénis les moments d'exaltation. Et réveille chacun de nous. Ceux qui sont distraits. Ceux qui se sont affaiblis. Se fortifient. Ceux qui voient flou. Bénis ton église. Dans le monde est ici. Au nom de Jésus-Christ, nous prions ici. Amen. Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur. Nous ne lisons pas toute la Bible. En un moment d'exhortation comme celle-ci, nous ne saurons pas lire toute la Bible. Et même si ce n'était pas ça, c'était une soirée de prédication et d'enseignement, nous ne pourrons pas aussi lire toute la Bible. Nous ne lisons qu'un extrait et nous nous laissons conduire comme Dieu voudra que nous soyons édifiés. Luc chapitre 12e. Luc chapitre 12, le verset 49 et 50. La parole de Dieu qui est vivant, qui a la vie en elle-même, immortelle, immuable. Je suis venu jeter un feu sur la terre, et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Il est un baptême dont je dois être baptisé. Et combien il me tarde qu'il soit accompli. Naye kubwa kamoto na mukili mpe na jali na posa ete osila ki kubwa kama ne na jali na libati sampo na kubati sama pe na mitungi sami na motema kino kokoka yango. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17 à 19. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. 1 Thessaloniciens 5, verset 17 à 19. Vous bondez là, n'a pas tout à fait. Botonda ka kati na makambo yoso pwete uyo ejali mokano na nzambe pona bino kati na Kristo Yesu. Adio benis la lecture de sa sainte parole. Lambe ya pambola botunge lubane musanto. Et veuillez vous asseoir dans le Seigneur Jésus. Bokovanda na kumona Yesu Kristo. Bienvenue à cette frange d'exhortation. Oui, malamu na itenyo alilendisi. Pour édifier nos cœurs. Kuna kutonga mitema na biso. Vous savez que nous sommes en train de suivre et d'examiner en même temps notre frère Kennedy. Et non, les écritures, chacun doit faire sa part. Dans la complaisance, et dans le sérieux et la prière. La crainte de Dieu. Et que le thème exploité, c'est la doctrine de l'Église de Dieu. Ok, il y a des années et des années. Il y a mis beau, et en 2007, je pense. Nous avions écrit une rassemblé un peu quelques principes de doctrine. Dans une petite brochure là. Vous vous en rappelez? Vous allez commander les angos. Qui s'en rappelle? Non, il y a des commandes les angos. Juste un, deux, trois personnes. Là. Nous l'avions intitulé « La saine doctrine de l'Église de Dieu ». Ça a été rappelé. Et pour nous, au tabernacle chrétien ici, les doctrines ont été rappelées quand nous étions en train d'échanger ensemble dans les assemblées générales en 2004. Nous discutions des statuts de l'Église. Hein? Qui était là? En 2004, 1, 2, 3. Wow. Donc l'Église est complètement renouvelée. Vous vous rendez compte que les vétérans sont devenus une minorité. Vous avez commencé à bateau, va bondir à Kala, va en 2004, là-bas nous étions là. Nous avons traité de ces choses ici. Et alors cette brochure existe jusqu'aujourd'hui. Je pense que si je voulais vous la présenter. Peut-être que la couverture vous rappellerait quelque chose. Je l'ai ici. Et la couverture, c'était ça. Vous voyez? Quelque chose comme ça. La saine doctrine de l'Église de Dieu. Et si vous allez sur le site internet du Semipar, elle est là. Dans la page des publications pastorales, toutes ces années. Il y en a de l'Église de Dieu. Ok. Donc, des principes ont été rappelés. Mais hein? le principe de foi que l'Église du Seigneur croit. Et c'est bien aussi, de même que vous avez profité ou apprécié la brochure sur jeûner un bon chrétien, ça aussi c'est quelque chose de bien. Et aussi là-dessus, j'ai déjà enseigné là-dessus sur la saine doctrine de l'Église de Dieu. Vous rappelez aussi la prédication pendant une période de temps. Pendant quelques mois, point par point, et tout. Que Dieu soit béni. Pendant que nous faisons ce travail, soyons sérieux et soyons en prière. Nous sommes en train de faire des choses. Quelque chose de bien d'important pour nous. Qui doit stimuler la masse. Quand ce feu ne s'est pas encore mis là, vous voyez là où vous allez continuer à penser. Vous imaginez même que vous êtes dans la marche, parce que vous marquez le pas, ou même vous dormez profondément. Et le feu de l'esprit. Le feu de l'esprit est de réveil. Que ce feu là ne s'éteigne point. Notre chanson c'est comme une prière. Mets mon âme en feu. Amen. Oh, c'est très important. Je peux lire encore quelque chose ici. Par la grâce de Dieu. Dans ce que dit Frère Branham. Oh, c'est vraiment merveilleux. Il faut saisir cela. Dans les sermons, je restaurerai. Le 10 novembre 1933. Le peuple de Dieu, l'Église de Dieu, l'Assemblée d'Israël, ils avaient une colonne de feu suspendue au-dessus d'eux. Colonne de quoi? Ils étaient des fondamentalistes dans leur doctrine. Nous aimons le fondement. Il faut marcher sur un fondement. On ne peut pas simplement flotter et croire n'importe quoi. Nous devons avoir une position. Amen. C'est vrai. Israël, c'était des fondamentalistes dans leur doctrine. Bon, les autres aussi, hein. Les Moabites, la religion organisée en partie, les hommes de position, de poigne, avec des femmes de ce qu'ils croyaient. Donc, ce n'était pas des roseaux agités par le vent. Mais la différence entre Israël et les autres, il y avait aussi le fondement, leur doctrine, à leur manière. Les autres n'avaient pas la colonne de feu suspendue au-dessus d'eux. Mais le peuple d'Israël avait une colonne de feu suspendue au-dessus d'eux. En plus d'être fondamentaliste, ils avaient le surnaturel de leur côté. Ils avaient avaient la puissance surnaturelle en leur faveur. Béni soit le nom du Seigneur qui a été. Et béni soit son nom parce qu'il est le grand Jésus-Christ. Et il est le son peuple dans son Observez bien ce que lui était. Il a suscité un peuple qui l'a enseigné. La même chose aujourd'hui. Vous pouvez fréquenter des séminaires et apprendre cette Bible de toutes les manières que vous voulez. Mais si vous ne naissez pas du Saint-Esprit et que la puissance de Dieu n'entre dans votre vie, vous ne croirez jamais aux miracles et aux prodiges. Donc, il faudrait que ce changement se produise en vous pour établir en vous la foi qui croit aux miracles et aux prodiges. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont cette foi. Donnant l'impression et jouant le rôle de croyants. Mais dans le concret de leur vie, ils croient en Dieu. Ils ne croient pas que Dieu peut les guérir de telles maladies dont ils sont. Par la seule puissance surnaturelle. Alléluia. Ah, il est dit pour le pasteur. Voilà, pour lui. Pour au fin fond de lui là. Bien. Rien ne va se passer. Le pasteur a dit, mon frère, il a dit, écoute ça, il m'a dit, Du frère, croyez-vous? Amen. Mais vous allez continuer. Vous ne pouvez pas croire un message ici, merveilleux. Vous allez continuer. Dans son cœur, il n'y a pas cette parole. Et quelle est la raison? C'est un cœur irrégénéré. Vous allez continuer. Vous devez naître du Saint-Esprit. Et laisser la puissance de Dieu entrer dans votre vie. Quand vous aurez goûté à ça, quand vous l'aurez expérimenté, vous rendrez compte que c'est une réalité. On ne peut pas nier. Et qui ne peut pas rater d'opérer un miracle. Et Dieu veut que le miracle soit fait. Vous devez l'expérimenter d'abord. Et laisser la puissance de Dieu entrer dans vous. Tant que ça ne s'est jamais fait, vous ne croirez jamais au miracle. Vous passez des années dans l'église, mais dans l'incrédulité. Face à la puissance surnaturelle du Dieu vivant. C'est ce qui fait que des fois vos frères viennent prier avec vous, rien ne se passe. Votre soeur prie avec vous, mais il n'y a rien. Parce que le grand blocage, c'est votre incrédulité. C'est votre cœur irrégénéré. Tu ne peux pas croire. Oh, que ce cœur soit changé, mon Dieu. Laisse que ce cœur soit changé. Vous ne croirez jamais au miracle et au prodige. Et vous ne pourrez pas croire à la guérison divine et à la puissance divine. Moi je crois que Dieu peut tout à cet instant. Non seulement pour moi, mais pour quiconque croit. Pour quiconque confesse la foi chrétienne. Tout est possible à tout moment. Dieu peut faire n'importe quoi. Il peut changer n'importe quoi. Je suis convaincu. Je suis fondé pour croire. Rien ne va me branler. Même si je vois des apparences d'échec. Comme fils d'Abraham croyant. Je considère tout ce qui est contraire à la promesse. Comme l'église. Il n'y a pas de défaite à envisager. Pas de défaite à reconnaître. La reconnaître la vérité de Dieu. La puissance agissante de Dieu. Le naturel qui est avec nous. Le Dieu omniprésent. Le grand Je suis immuable. Reconnais que lui ne faillira jamais. Il fait tout à merveille. Il fait tout correctement. Il change la malédiction en bénédiction. Il change la défaite apparente en victoire. Il change les échecs en exploits. Il est le Dieu de notre foi. Es-tu sincère en disant Amen? Vous avez fait un bon travail pour le monde. Ne dis pas Amen pour moi. Mais pour moi, c'est mon bail pour le monde. Oui. Pour toi-même et dans ta vie là. Hein? Que les forteresses de Satan soient bousculées. Car ton amen est une clé de déverrouillage. Annonce les bonnes nouvelles. Il faut que ton cœur déverrouille. Qu'il ouvre la porte fermée. Qu'elle donne l'accès à l'impossible. C'est ta foi que Dieu a fait. Maintenant c'est mon temps avec mon Dieu. Ça fait la debout. On réclame tous ses droits. Ils doivent produire des réalités infaillibles. Si nous croyons vraiment du cœur, écoutez, il dit, vous ne pourrez pas croire à la guérison divine et à la puissance divine, c'est impossible. Vous devez naître d'abord. Donc nous avons besoin de vous. C'est une bonne religion à l'enseignement au ciel bleu. Le ciel bleu, sans nuages. Même si les nuages passent par moment, toi dans ta religion, ton ciel est bleu. Le soleil est clair, la chaleur est là. Il n'y a pas à se refroidir, il n'y a pas à faiblir, il n'y a pas à hésiter, il n'y a pas à douter. Mais le ciel est bleu. Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Je suis pour sa parole, qui ne peut pas. Personne et rien n'y peut faire. Aïe, c'est fondement au-dedans de toi. Le fondement de la foi biblique. Car la foi biblique est une foi intensive. Et tout capable. C'est dont nous avons besoin aujourd'hui. C'est une bonne religion à l'enseignement. Au ciel bleu. Quand tu regardes là-bas, tu ne vois même pas les serpents qui surgissent. Quand tu ne vois même pas les petits oiseaux bizarres. Les augures qui apparaissent. Non, toi tu vois ton ciel bleu. Tu vois une communion ouverte avec ton créateur. La foi est bleue. Dieu est pour toi, rien ne sera contre toi. Parce que tu es pour sa parole, rien ne va se faire. Tu prends position. Vous avez besoin de un fondamentaliste. Il n'y a eu pas à discuter de ça, mais quoi? Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'une bonne religion fondamentaliste. Au ciel bleu. Qui tue les péchés. Qui balaye cette contrée. Et un réveil à l'ancien mode. À la Saint-Paul. Oui, à l'olengue, à Saint-Paul. Voilà le grand apôtre des nations. Et du retour du baptême du Saint-Esprit. Dans l'église. Oui, amen. Pour la meilleure défense. Ezali lolenge malamu pala oyo wana c'est la meilleure défense. Ezali lolenge malamu ya ko ngambo wana malamu meilleure que n'importe quelle bombe atomique qui ait jamais été malamu koleka tabi sale le nosso basi ko sala pona ko les nations cherchent les boucliers nucléaires mangomba la bota ezali koleka ko batela ma anti atomique oyo ezali ko telema la sale le nosso pena wana constitution et tralala bazali ko wela na pema kamono sa pamba wana Dieu donne à son église zamba ezali ko pesa na pieza na ye meilleure défense. Wana beaucoup malamu et pas wapi ya kubata malamu. Et cette meilleure défense c'est le retour du baptême du Saint-Esprit. Wana ezali bozongi ali bata malamu. Il y a eu des hommes et des femmes qui croient seulement. Wana na basi mbali bazali kondi melango ya solo. Ils soutiennent ça. O bazali ngambo na yango. Ils veulent l'authentique dans leur vie. O balingi o ya siki siki kati na bomo ina bala. C'est la meilleure défense. Wana ezali eloko ya malamu. On vous amène n'importe où. Ami maso ki wapi. Ne préméditez même pas votre défense. C'est lui qui est en vous, l'esprit qui vous a été promis. Il réglera les affaires. Il s'occupera de tout merveilleusement. C'est la meilleure défense. Que tu sois endormi ou éveillé. Malade ou en bonne santé. En santé ou en défaite. Au sommet ou dans la vallée. C'est la meilleure défense. Meilleure que n'importe quelle bombe atomique. Juste fondamentaliste, mais Dieu confirmé son église. Israël était fondamentaliste. Nous aussi soyons ça. Comme si ce point de la foi au surnaturel ne va limiter pas. Ne soyons pas dubitatifs. Nous allons dire à toi, ou les tantôt plutôt, vous savez, d'autres miracles là, frère, quand on a besoin d'un réveil, tous ceux qui ont froid, ont besoin du feu pour se réchauffer. Est-ce que si quelqu'un a tellement froid, va-t-il accepter qu'on puisse le prendre sur un papier dans un endroit et qu'on vienne avec la peinture? Bon, tu peux te réchauffer quoi? Tu peux te réchauffer, regarde les jaunes qui apparaissent un peu en trace. Imagine que c'est du feu. C'est ça, c'est ça, on a dessiné ça. Il y a pas de réalité. Après, m'a dit, quand vous essayez de parler d'un Dieu qui autrefois avait la puissance, vous présentez ça aux chrétiens. En train de leur dessiner du feu. Voilà, vous allez pour yémer la banque, vous moto. Mais les chrétiens n'ont pas besoin de dessiner. Vous allez vous faire un peu de moto. Vous allez réveiller pour ça. Mais ils ont besoin du feu réel. Vous allez vous faire un peu de moto. C'est ce qui les mettra en mouvement. Vous allez vous faire un croyez-vous ça? Vous allez connaître. Lisons une expérience qu'avait faite Frère Branham. Vous allez m'aider qui est le commandant de ça là. Il dit ça. Alors bien, moi. La foi par l'expérience. L'éducation, la foi par l'expérience. Du 25 mars, par exemple, 27 quand j'étais un petit garçon, j'avais eu une expérience avec quelque chose comme cela. Un feu. Moto. Je pense que vous ici, qui venez de l'Ohio, vous connaissez ce qu'est une tortue. Ok. Ok. Tortue. Mon frère et moi en avions trouvé derrière la ferme. Et oh, comment elle balançait ses pattes. C'était une créature d'apparence bizarre. Bizarre. Et aussitôt que nous nous sommes approchés d'elle, elle a ramené ses pattes. Quand on leur parle de la guérison divine, et même du Saint-Esprit, ils disent, oh non, ils ne croient pas cela à cause de leur doctrine. Et méfiez-vous. Moi j'aime être fondamentaliste, mais dans le vrai. Pas devenir un extrémiste dans les faux. Et défendre des choses qui n'ont ni tête ni queue dans la vie. Dans la parole révélée de notre temps. Voyez, c'est vrai. Eh bien, nous voulions la voir marcher, la tortue. Et je veux aussi voir l'église marcher. Mais elle ne pouvait pas marcher avant de faire bouger ses pas. Et l'église ne bougera pas avant que le corps entier se mette en action. Nous sommes les méthodistes, les baptistes, les baptistes, il faut que tout le monde se mette en action. J'ai dit, juste une minute frère, la faire marcher. Il a pris la tortue, je suis allé me procurer un bâton. J'ai vraiment déversé cela sur elle. Et cela n'a fait aucun bien. Toujours sur place. Hein? On peut apporter la parole de correction. Prêcher durement dans l'église. Trouve des croyants. Il est là, il reste. Vous ne pouvez pas enfoncer cela en eux. En les frappant. Plus vous frappez, plus elles s'enferment hermétiquement. Donc, il y a des croyants, des membres d'église qui développent des mécanismes de survie pour ne plus être touchés par la parole de Christ. Ils s'endurcissent vraiment. J'ai réfléchi quelques instants. Je me suis dit, comment pouvons-nous la faire marcher? Et je l'ai amené à un petit ruisseau. Mais j'ai dit, lobby, si elle ne marche pas, tambolité, je vais la noyer. Na kundin, et je l'ai tenu de mes deux mains. Na maboko, na et je l'ai plongé dans l'eau. Na zimbi, na mai, et juste okay. Quelques bulles d'air sont remontées. Tortue. On a introduit dans l'eau. Le fouet n'a rien fait. Mettons là dans l'eau. Il va sortir, l'eau va réagir. Il est pas obligé. Et il introduit là. Quelques billes d'air sont sortis. Écoutez à quoi cela ressemble d'abord. Il dit, oh, je sais que vous avez toutes sortes de baptêmes. Les aspersions et les déversements. Et on en a fait détermination. Mais qu'arrive-t-il? Ils descendent des pécheurs secs. Et ils ressortent des pécheurs mouillés. Juste quelques bulldozers qui sont sortis. Nous avons appelé ça service de baptême chrétien. Mais monsieur la tortue, madame la tortue n'a pas du tout changé. Je ne pensais pas que parce qu'elle a été plongée dans l'eau comme ça, aucun changement. Vous pouvez plonger en avant, plonger en arrière. Ce n'est pas ça qui la met en marche. C'est juste un pécheur sec. Qui ressort un pécheur mouillé. Mon Dieu. C'est tout. Cela ne fait aucun bien. Vous ne pouvez pas enfoncer cela en eux ou le faire entrer en eux par le baptême. Savez-vous ce que j'ai fait? C'était une expérience. Voyez, on est passé par les bâtons sans effet. On est passé par l'immersion dans l'eau. Mais là, Branham a pris la troisième capote. Si je me suis procuré des morceaux de bois. Morceau de papier. J'ai allumé un feu et j'ai placé la vieille tortue dessus. Sur le feu. Et là alors bougez. Oh, et s'il y a quelque chose qui fera marcher l'église, c'est le baptême du Saint-Esprit qui descend encore. Pas une manière de baptiser. Ou une manière de dire ceci, cela. Ou une nouvelle théologie. Mais juste le Saint-Esprit. Laissez le Saint-Esprit descendre de nouveau sur l'église. Le feu. Moto. Et ça, ça va mettre l'église à main. Tu crois que c'est vraiment ça? Il fait faux ça, mon ami. Mon âme a fait ça. L'amour de Jésus, mais mon âme. Je ne veux pas rester moi. Je ne veux pas rester formaliste. Je ne veux pas rester comme ça. Je veux une marche intime avec ça. Il y a des chaleurs et des puissances. Accompagné de prodiges et de miracles. Parce que je crois un Dieu vivant. Naturel. Le problème en est que vous avez ôté de l'autel le feu et vous l'avez placé dans le fourneau. On en a besoin sur l'autel. Et dans chaque cœur, une fois de plus, ce feu ne doit pas être caché à l'autel ici devant. Mais vous avez besoin dans chaque cœur, une fois de plus. À toi, à moi, à lui, à nous, dans chacun de nous. Voyez ça? Le réveil à la Saint-Paul. À Saint-Paul. Et le Saint-Esprit de la Bible font revivre les puissances. Ça fera de nouveaux témoins. C'est pour ça. Les témoins de la résurrection de Jésus qui parlent des choses réelles. Leurs paroles dégagent la puissance. Oui, beaucoup de pécheurs sont complexés, je l'entends. Ils sont un peu gênés. Cherchons la chose authentique. Et Dieu traitera ses affaires convenablement. Dans l'église. Vous allez là. Alors ici dans la résurrection de Lazare. Lazare. Branham a dit ceci. Le 29 juillet 1957. La deuxième partie. Hein? Vous pouvez les baptiser de ce côté-ci. Et ce nom-là. Et de haut en bas. na ikolope na se côté ci na ngambo yo par derrière to na sima ou par devant to na liboso et l'asperger pe ko sopela bango mai tout ce que vous voulez nyoso boko sala mais toujours un pécheur azali bobele mosumu ki c'est exact izali a solo je suis allé prendre un morceau de papier na kiko za ite ni yo alukasa dans l'histoire de la tortue non wana na lisolo ya foka et j'ai allumé un peu de feu pe na pelisi moto moto et j'ai placé la vieille créature là dessus pe na tie ke la moya kala likolo wana et là alors marchez et ya fini ko tambola. Vous savez quoi? Oui, nini. La tortue elle marche très lentement. On va tambola kamalembe. Tambola kamalembe mingi. Atile kolomoko alandisi mosusu malembe. Mais quand notre petit ami a été placé sur le tango moninga na somoke ona chama kiko na moto. Atambola kina lombangu mingi. Même la cadence change. Atalo nanga kotambola bomba ni. Kona nini? Et là ça pire. Ayo kati moto. Le feu la course. Moto sinde kina mosala. Il se fait le feu d'hiver. Tenez moto la Mozambe. Changera ton rythme de vie. Le bongo la lolenga na kotambu sama. Tu verras les choses autrement. Komona makambo lolenga mususu. Et tu feras les choses autrement. Kokosala pe makambo lolenga mususu. Ce ne sera plus toi, c'est le Dieu. Kozala yote na kozala molimo kosala kati na yo. Voyez ça? Komoni yango. Oh, c'est merveilleux. Dali malamu. Et là, alors, marchez! C'est dont nous avons besoin aujourd'hui! C'est d'avoir derrière la chair! C'est le prédicateur qui prêche la puissance de l'évangile! De Jésus-Christ! Oui, Jésus-Christ! Pas de Branham! C'est de Branham! C'est de Jésus-Christ! Jésus-Christ! Avec le Saint-Esprit! Et nous avons mon Santo! Et le baptême du feu! Pelibati si oya moto! Qui descend sur les choses! Nous avons besoin de ça derrière la chair! Vous en avez besoin de prédicateurs là! Veux-tu écouter ce genre de prédicateurs? C'est ça le besoin réel! Wana la marche plus intime avec le baptême du feu qui descend sur les gens. Là le fera alors marcher. Non pas s'établir ici sur cette plage. Un dimanche après-midi à Maïa. Là le fera partir à l'église ça. Le maillot de bain. Non? Et des moments de distraction dans l'église. Mais pas dans la marche. Parce qu'il n'a pas non pas là à jouer au golf. Est-ce que cela vous coche? J'ai descendu là ce matin. Il y avait des petites dames et tout partout là. Je vais dire dames. Les dames ne font pas des choses pareilles. Un maillot de bain. Basali ko sokola. Étendu là sur la plage, un maillot de bain. Basali kuna na pembe na mai kuna. Étendu en train de se bronzer au soleil. Bango basali ko kope samoi kuna na sela mwezi kuna. Ils sont membres de l'église et chantent dans la chorale. Wana basali bina manakeza basali ko yemba. Ils disent que le pays les offrande la dîme chaque année. Basali bafuta kama kuna zomi pe mikato. Leur pasteur, un homme mouillé. Mobati na bango basali moto oyo. Une poule mouillée. Il dit qu'ils sont spirituels et ce sont les enfants de Dieu. Mais comment un enfant de Dieu peut aller exhiber sa nudité? Mais non, à la plage. Il sait même pas se gêner. Nous prêchons la pudeur. Notre corps doit être couvert correctement. Ils ont besoin de ce baptême de feu. Il va consumer les choses du monde. Et il les apprendra à aimer Dieu de tous les cœurs. À haïr les choses du monde. Le feu divin fera. Mais la religion. Les immersions dans l'eau, les aspersions, les immersions dans l'eau, rien de bien. Oh non, notre pasteur quand il prêche, il y a à Blagagaté, il est vraiment sévère, hein. Mais ce n'est pas ça qui va introduire la vie. Il faut le feu divin. Tant que vous ne l'avez pas, votre religion demeure morte et froide. Secouez-vous. Récession. Vous avez besoin d'une vie intime avec vous. Vous avez besoin de puissance et de miracles. Parce que Dieu a fait cela. Moi je ne veux pas m'en priver. Par une croyance archaïque. Non. Croyons ces choses pour maintenant. Dieu d'Israël est notre Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Priez sans cesse. Nous devons prier sans cesse. Le Seigneur a dit, nous l'avons lu. Priez sans cesse. Soyez tout le temps en prière. Vous allez attendre une heure sur quatre. Persévérez en prière. Vous allez vous allez tout ce qui arrivera. Rendez grâce à Dieu pour tout. Vous allez vous attendre pas dans un peu la nuance. Car c'est de votre part la volonté de Dieu en Jésus Christ. Vous allez qu'on a vu nous quand on est dans un peu Jésus Christ. Et n'éteignez pas l'esprit. Bobama moli monte. Ne faites pas des choses qui empêchent feu d'agir dans votre vie. Vous allez vous faire qui se la pâte. Ne vous érigez pas en obstacle contre le feu. Vous allez vous attendre la mort dans un. Mais soumettez-vous à la volonté. Laissez-vous faire quand la flamme vient. Quand vous visitez, fléchissez. Il commence à manifester quelque chose. Laissez faire. Laissez-vous conduire comme il veut. Quand il amène, Seigneur, je vous bénirai. Amen. Et le Seigneur Jésus, il dit, je suis venu allumer un feu sur la terre. Mais qu'ai-je à désirer? Il est déjà allumé. Jean-Baptiste avant lui, il avait annoncé au peuple qui entendait, celui qui vient après moi, c'est celui-là qui vous baptisera, c'est Saint-Esprit et de feu. Je suis parti, je suis entré en scène, et dans sa prédication, après qu'il a été baptisé, Nous n'avons pas une doctrine déformée. Nous sommes recevés le baptême. Il faut nécessairement attendre des mois et des années avant que le Saint-Esprit vienne. Dieu peut les donner à tout moment. Votre cœur est déjà prêt. Et pour Jésus le dit, c'est le même jour du baptême. Après son baptême, le baptême du Saint-Esprit est arrivé. Voulez-vous ça? Jésus-Christ le Fils de Dieu. Alors, il avait déjà le baptême d'eau. Il avait déjà le baptême du Saint-Esprit. Maintenant il dit, je suis venu allumer un feu sur la terre. Mais qu'est-ce que j'ai désiré? Si ce feu-là est déjà allumé, je n'ai plus dedans un désir charnel et personnel. Un désir propre à moi que je voudrais promouvoir. Mais que le feu du feu, qui est dans ma mission, il est déjà allumé, il embrasse, il aille de proche en proche. Le prennent le chauffeur et cette soeur-là. Et vous êtes emballé. Être pris par chauffeur. Et toi que je suis là déjà allumé. Et même son propre désir n'est pas pris. Il n'est plus pris l'arrêter. Et si il en veut, il te les donnera. C'est déjà allumé. Jean-Baptiste a annoncé. Je n'ai plus rien à laisser. Yes, il s'est déjà allumé, mais et puis il ajoute, il est un baptême dont je dois être baptisé. Oh, combien il m'étarde qu'il soit compris. Le baptême d'eau, il est déjà baptisé d'eau. Baptême du Saint-Esprit, il est déjà baptisé. Mais maintenant là, quand Jésus parle encore du baptême, c'est le baptême de sa mort. C'était une épreuve terrible. Mais parce qu'il était venu pour une mission, il dit, ça calme que ce soit compris. Peux-tu aussi aspirer à ces épreuves? Acceptez la prochaine épreuve chrétienne. Acceptez la prochaine épreuve chrétienne. ne pas être paniqué à l'idée de savoir que tu es que tu passeras par des moments durs. Ne crains rien. Il y a un Dieu qui prend soin. Il ne permettra jamais que tu sois tenté au-delà de Dieu. Il prendra une voie de sortie toujours. Il ne se prévoit-il souvent le juste. Mais il se prévoit les endolibres toujours. Ne panique devant rien. Il ne se prévoit-il Il est un baptême. Il est un baptême. Il est un baptême. Il est un baptême. Il est un baptême. Il est un Jésus voulait entrer dedans. Et le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Il est passé par là. Est-ce que ça l'avait vaincu? Il y a un long qui est. Et pourtant quand on l'a blessé, un démon a crié victoire. Nous l'avons vaincu. Lorsqu'on a craché sur lui, quand on va voir qu'elle a tiré, il était oui. Vraiment sans défense. Voilà, nous l'avons vu. Lorsqu'il a crié, Eli, voyez ça? Mais quand on prend l'évangile, on vient annoncer ce qui s'est passé au monde. Regardez comment Dieu change les choses. Jésus a vaincu et a dépouillé toutes les puissances. Et il les a livrés publiquement. En spectacle. Si y'a nzoto na yo eza defekite. Amen. Baolo la yo pora sango malal pora gonima na yo eza defekite. C'est une victoire montrant que tu as une foi digne d'être prouvée. Véritable doit passer par le monde. Si ta foi est la porte, elle doit sauter les appels. Que Dieu soit loué. Zambe yakumi sama. Toutes ces puissances. Jésus les a vaincus. Lorsqu'il a expiré, le diable est dans la réception. Il nous a tracassé partout. C'est quoi Jésus toujours? Lui pensait que c'est la victoire. Oh, c'était une défaite. Parce que d'abord, il a arraché les guillons de la mort. Il devait passer par la mort pour arracher ses guillons. Et quand il est ressuscité, il tenait les clés de la mort et distribuait la mort. Satan s'est retrouvé dépouillé. Le mystique de mon Dieu. La faiblesse, la force parfaite. Par la faiblesse parfaite. Il nous amène dans un état de faiblesse parfaite. Et il récupère la force de son bras. Il intervient vigoureusement. Il pose les actes l'un après l'autre. Pour ranimer son esprit. Pour apporter sa bonne moitié. Il est le maître et son. Que son nom te garde. Et que ce nom te bénisse. Vous pouvez nous mettre debout. Oh, tu peux aimer Dieu. Et que sa flamme soit dans ton cœur. Sois là pour embraser ton cœur et dire gloire à Dieu. Amen. Oh, prends mon âme, prends-la Seigneur, et que ta flamme brûle à mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois seulement maître, ô divin roi, successeur. Toi j'ai créé la nuit et le jour, entends ma prière, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon soutien. Entre dans ta vie. Nous la prêchons. Sous forme de l'évangile entre dans ta vie. L'évangile surnaturel. Seigneur Jésus-Christ. Et de son nom merveilleux. Que cette flamme entre au-dedans. Entre dans chaque cœur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qu'elle consume tout ce qui est fort. Qu'elle vienne un réveil palpable. Que nul ne peut éteindre. Et qui servira les causes du royaume de Dieu. Partout, à tout moment. Disons chacun mot de prière. Thank you. Dieu saint et pas saint. Notre Père céleste, nous te remercions ce soir et glorifions ton Saint-Nom pour ta parole, l'atmosphère de prière, la conscience qui nous permet de savoir ce qui nous manque, les choses que nous devons rechercher, réclamer auprès de toi et de reconnaître ce que tu fais, ce que tu as déjà fait dans nos vies. Oh Dieu, sois le secours pour chacun, chaque frère et chaque soeur. Fais grâce à chacun. Et bénis nos cœurs. Dans ta présence à toi. Révèle-nous les bonnes choses. Et pardonne-nous les choses mauvaises que nous faisons. Et lave-nous dans le sang de Jésus. Par la pure vérité de Dieu. Nous demandons les choses que tu as faites. Toi qui n'as pas de limites. Dieu tout capable. Dieu qui rend les choses impossibles possibles. Il éveille la foi et nos esprits. Dieu le fait dans son peuple. Et que ton nom soit élevé au-dessus de tout. Et que ta grâce nous accompagne. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir et que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola bino.